Micro ouvert. Et vous trouvez des réponses ? Le simple fait de se poser une question, c'est déjà un commencement de réponse. Exact. Le simple fait de se demander, est-ce que par hasard je ne serais pas un gros enculé ? Eh bien, ça signifie que peut-être vous en êtes un. Exact. Bonne question. Bonne réaction de l'intelligence, qui n'est donc pas complètement morte. Est-ce que vous savez à quoi on reconnaît un gros con de droite d'un gros con de gauche ? Non. Quand vous chiez, vous avez beau chier proprement, tirer la chasse et tout. Très souvent, dans la cuvette, il y a de la merde qui reste. Collée. Oh, oui. Bon. Cette merde qui reste, collée, qu'est-ce qu'il en fait, le mec de gauche ? Il la nettoie. Il prend le balai à chiottes, il la fait disparaître. Alors que le gros con de droite, qu'est-ce qu'il fait ? Le gros con de droite, il laisse sa merde et il se débile. Il s'en occupe même pas. Il y a des gens payés pour ça, des gens qui passent derrière. En général, c'est une pauvre fille. Avant, on disait bonne, mais maintenant, on dit femme de ménage. Mais enfin, on dit toujours merde. Il faut toujours la nettoyer. Ça, ça n'a pas changé. Travail de femme, évidemment. Femme étrangère, évidemment. Femme qui n'a pas le droit de se plaindre. Qui a tout juste le droit de trimer. Avec ses mains faites pour l'amour, que personne ne regarde. Ses mains rougies par le travail. Des mains qu'on ne montre plus. Je vous parle des mains, là. Je vous parle pas du reste. Le corps détruit par les grossesses. Des seins superbes à l'abandon. Tous les bourrelets de la mauvaise bouffe, la beauté massacrée. Même dans les yeux, ça demande pardon. Voilà la différence qu'il y a entre la gauche et la droite. Juste une histoire de chiottes nettoyées ou pas nettoyées. Qu'est-ce que vous êtes ? Vous êtes hacker ? Vous êtes, qu'est-ce que vous êtes exactement ? Exactement, on est hacker. Alors, Eczema 34, bon, c'est un pseudo, évidemment. Bon. Vous m'avez expliqué que vous arriviez aujourd'hui, au départ d'une radio, de rentrer dans les programmes d'autres radios, c'est ça ? Oui, c'est exactement ce qu'on va faire. On va faire ça d'ici quelques minutes. Alors, ça, c'est Inter. Ça fonctionne. Alors, on écoute sur Inter, mais il n'y a pas de mire. Eux, ils ne m'entendent pas, là. Pas encore. Allô, allô, allô ? Slovénie, enfin. Non, c'est le journal d'Inter. Mais nous, on les entend bien. Nous, on les entend. Mais alors, essayez de faire un truc. Et on essaie d'entrer. Édouard, je vous conseille quand même, camouflez-vous. On ne sait jamais. Il y a des caméras de sécurité à Inter. Eux, ils ont des caméras, ils peuvent voir qui. Ils ont des caméras. Allez, allez, tout le monde. Tout le monde, passez des visuels. J'ai des visuels. Mettez un peu de musique, Armel. Oui. Attention, oui. Ça y est, tout le monde est camouflé dans le studio. Comment les otages français alors ça, du Mali ont-ils été libérés ? On écoute le journal de France Inter. Vous ne vous êtes pas trompé de radio, vous êtes toujours sur Nova, mais on va essayer d'entrer en direct dans le direct de France Inter, dans l'émission de Patrick Cohen. En 2013, de Ghislaine Dupont et Claude Verlon. Là, ça, on est avec ses mains. Ça marche. Hein ? Sur ça a marché. Pour le moment, c'est très bizarre. Je suis en train de faire la pub pour Inter. Il est 7h43. France Inter. Mon Dieu, on ne fait pas de hacking sans casser des œufs. Oui, je sais pas comment. Donc, l'histoire du jour, vous la trouverez à la une du Maine Libre. Oui. C'est aussi le titre du jour. Elle sort fumée. Le TGV repart avec son bébé. Vous admirerez la sobriété de la phrase. 9 mots qui racontent la négligence d'une mère, les dangers du tabac, l'impuissance de stopper un train. Oui, mais allô, Patrick Cohen, donc, allô, Patrick Cohen. Oui, qui parle? Peu importe qui parle, c'est Édouard Baird, mais à la limite, c'est pas ça. Patrick Cohen ? Ah, Édouard ! On est, nous, on est, c'est Nova, ici, c'est Radio Nova. Comment êtes-vous entré sur nos ondes? C'est pas grave. Vous savez, Patrick Cohen, l'important n'est pas de savoir qui c'est finalement. J'ai l'impression que vous êtes en train de vous enfermer dans un système cloisonné. Je crois qu'il faut arrêter ces radios qui ne parlent qu'à leurs propres auditeurs. Oui, mais vous n'êtes pas en train d'animer une matinale? Non, pas du tout. Patrick, arrêtons tout ça. Vous savez qu'aujourd'hui, nous sommes en 2017. Aujourd'hui, les gens font deux choses à la fois. Les gens sont en train de donner un rendez-vous amoureux et de checker leur Instagram en même temps. Eh bien, je crois que nous aussi, à la radio, Patrick, aujourd'hui, il faut qu'on accepte de parler aux deux oreilles à la fois. Il faut qu'on accepte d'être à la radio, à la télévision, dans la vraie vie. Patrick, aujourd'hui, avec Léa Salamé, Thomas Legrand, vos invités, Bernard Accoyer, les gens de la politique, les gens de la vie locale, les gens de proximité, il faut qu'on accepte de tout ouvrir, de se parler les uns aux autres, de se regarder. Ça n'existe plus, tout ça, Inter, Nova, la télévision, les réseaux sociaux. Il y a un grand tout, Patrick, vous en faites partie. Ouvrez. Nous sommes les petits, nous sommes les sans-gras, nous sommes les exclus des radios nationales, nous sommes des petits gars dans une cave de Paris, comme il y en a à Tourcoing, comme il y a des gens dans des greniers à La Rochelle. Eh bien, aujourd'hui, nous parlons, nous écoutons. Trop de gens pour parler, trop peu pour écouter. Patrick, vous et moi, nous parlons, mais nous allons laisser la parole à cet énorme silence qui arrive de la rue. N'entendez-vous pas ces gens qui grondent et ces voix? Patrick, merci de nous laisser vous hacker. Ne nous envoyez pas les flics dès maintenant. Non, hein non. Je mesure la portée de l'événement. Nous sommes sur l'antenne de Nova et vous êtes, Edouard, l'antenne de France Inter. Je trouve ça très généreux de votre part. Je trouve que vous êtes un homme sans frontières. Vous êtes un homme de la parole donnée, de la main tendue, cher Patrick Cohen. Et puis, c'est pas parce qu'on n'a rien à dire qu'il faut fermer sa gueule. Vous venez de le prouver. Voilà, exactement. Nous sommes là pour parler de quoi, on le dira après. Voilà. Salut. Bonne émission. C'est Edouard Baird, en direct de la matinale de Nova. Étonnant, non? C'était Patrick Cohen, en direct de la matinale de France Inter. Votre invité ce matin. Salut. Un petit mot sur ce qu'on vient d'entendre. Quand j'ai plutôt vu cette vidéo de hacking faite de Radio Nova sur Radio France Inter, j'ai trouvé l'idée géniale. Ça m'a emballé à mort. Après, j'ai compris que c'était un coup monté, quoi. C'est un téléphone en duplex, c'est pas du tout un hacking. Dommage, je trouvais l'idée excellente. Pourquoi se fait cette rencontre? C'est toujours ça, ça démarre comme ça. C'est Jérémy qui était à Saint-Gilles et qui essayait de me vendre sa salade. Tu vas pouvoir réagir, t'inquiète. Hein. Sa salade sur Mélenchon. Avec un petit trac comme ça, et puis après j'ai réalisé qu'il était avec une petite bande, et voilà, cette petite bande, ben, j'imagine il y en a d'autres mais qui ne sont pas présents, sont là, autour de la table. Je vous laisse vous présenter les amis. Et la particularité quand même, il faut le dire, qui vous rassemble, c'est Mélenchon, et vous êtes français aussi. C'est pas grave, hein, mais voilà, c'est parti. Donc il y a Lucien, je te laisse te présenter. Oui, bonjour, moi c'est Lucien Hurtier. Donc voilà, donc j'ai participé avec Sophie qui est ici à monter le groupe d'appui de la France Insoumise en Belgique. Et petit à petit, j'ai rencontré nos amis qui sont là aussi, qui se présentent aussi, je sais pas. Donc moi je m'appelle Florian et j'ai rejoint le groupe depuis le mois de décembre, et donc je donne des coups de main de temps à autre. Moi je suis Jérémy et j'ai rejoint le groupe d'appui aussi en décembre, comme Florian. Moi je suis Sophie, avec Lucien on est les cofondateurs du groupe d'appui à Bruxelles. Ça fait 4 ans que je vis à Bruxelles, je suis venue pour le travail. Et quand on a fondé tous les deux avec Lucien, on ne pensait pas que ça aurait une telle ampleur, puisqu'on est passé d'un groupe de quelques-uns un peu disparates à finalement maintenant à 200 quand même, presque 200 aujourd'hui insoumis, rien que sur Bruxelles, et 9 groupes d'appui à travers tout le Benelux. Donc et on est en contact tous les uns avec les autres. Chaque groupe d'appui est plus ou moins important, plus ou moins gros. Évidemment, celui de Bruxelles est le plus large, ce qui nous permet de faire aujourd'hui des conférences. On en a fait une la semaine dernière sur le projet Europe de Jean-Luc Mélenchon et de la France Insoumise. On fait des tractages, disons qu'on distribue des présentations du programme de la France Insoumise sur les marchés au moins une fois par semaine. Puis là, on accélère le rythme, vu que c'est les dernières semaines avant le premier tour. Donc voilà, on est aujourd'hui en capacité de toucher dans les porte-à-porte beaucoup, beaucoup de Français. Et dans notre groupe d'appui sur les 200, il y a énormément de Belges aussi qui s'intéressent à la vie politique française et qui veulent soutenir l'élan de la France Insoumise et de Jean-Luc Mélenchon en voyant bien que ça pourrait faire des petits ailleurs. Il y a des Belges. Il y a des Belges à votre groupe de Français, alors. Oui, parce que le mouvement, et c'est le mouvement en soutien à la campagne de la France insoumise pour les présidentielles et législatives en France, mais comme beaucoup de Belges s'intéressent à la politique française, et puis beaucoup ont espoir que ça fleurisse ailleurs, du coup, on en a quand même vraiment, vraiment pas mal, hein, des Belges, je sais pas combien... Je dirais qu'il y a entre 10 et 15% de Belges qui sont avec nous, et qui sont curieusement très actifs, et même plus actifs que certains Français, finalement. Mais donc, qui ne pourront pas aller voter puisqu'ils sont belges, on est d'accord. Non, mais ils participent à notre campagne de manière active. Ça peut être de l'organisation, ça peut être juste d'être présent quand on organise des événements publics. Et parce que certains, finalement, sont aussi militants pour la politique belge, mais sont quand même conscients du fait que la Wallonie étant assez à gauche et la Flandre étant assez à droite, l'espoir que quelque chose émerge à gauche se passera forcément d'abord en France avant d'arriver en Belgique, avant que la Flandre et la Wallonie s'entendent. Mais je pense qu'on a tous un regard sur les mouvements... en Europe, proche du mouvement actuel. Donc je pense à la Grèce avec Tsipras. Il y a eu Podemos aussi, donc on a tous été intéressés. Alors après, Podemos en Espagne, bien sûr. Donc étant donné le lien extrêmement fort linguistique entre la Belgique et la France et la proximité géographique, c'est pas surprenant qu'il y ait un intérêt pour l'élection présidentielle. En plus, étant donné l'état actuel de l'Europe, c'est vrai que le résultat de l'élection en France va avoir quand même un impact sans doute très important sur les politiques européennes. Et la nouveauté de la France insoumise, c'est de s'inspirer un petit peu de tout ce qu'il y a, de prendre le meilleur d'un petit peu partout, j'ai envie de dire. Donc à la fois de la nouveauté de Podemos en Espagne qui a créé un parti politique assez nouveau dans l'horizontalité un peu de la prise de décision, la collégialité de la prise de décision. Mais donc voilà, c'est quand même un parti politique. Après, il y a eu la campagne de Bernie Sanders aux États-Unis d'Amérique, où là, on a vu vraiment des campagnes massives sur les réseaux sociaux émerger avec des graphismes que je vous montrais aussi un peu en amont de notre réunion. Assez novateur, une mobilisation des jeunes sur les réseaux sociaux, etc. Donc ça s'inspire à la France insoumise d'un petit peu tout ça, sur le constat que les partis politiques français, hein, principalement d'ailleurs même ceux français, sont encroûtés, entre guillemets, dans la Ve République, dans des formes de démocratie interne qui sont même pas des démocraties, qui sont vraiment dans une prise de décision. On le voit d'ailleurs avec ce qui se passe actuellement au Parti Socialiste. C'est pas dans une volonté de taper sur le Parti Socialiste, mais bon, ils nous font donc tout un laïus sur l'importance d'une primaire, et même les dirigeants même sont pas capables de respecter la décision du peuple souverain qui a participé à cette primaire que eux-mêmes ont voulu. Donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui fonctionne plus particulièrement en France, et on voit bien dans l'intérêt des jeunes dans la France insoumise, c'est cette nouveauté, ce vent de fraîcheur, ce fait que tout le monde est tous les groupes d'appui sont autonomes, sont capables de. C'est à nous de gérer, on fait ce qu'on veut, si on veut faire une conférence, etc. Quand tu parles des groupes d'appui, ça veut dire tous ces groupes qui soutiennent ailleurs qu'en France, quand tu parles de groupes d'appui. Donc qui soutiennent ailleurs qu'en France, Mélenchon. Les groupes d'appui, c'est toutes les petites cellules d'organisation, qu'elles soient en France ou ailleurs dans le monde, qui soutiennent la campagne de Jean-Luc Mélenchon. Toutes ces cellules sont autonomes. Ces petits cercles de gens, ça peut être comme nous 200. Comme ici, oui. Voilà. Comme ici à Bruxelles, quoi. Comme nous 200, ou ça peut être, par exemple, je vois dans le village d'origine de ma mère, ses copines, et elles s'organisent entre elles, et elles font leurs réunions pour préparer les actions suivantes, etc. C'est pas, voilà, il n'y a pas une. C'est pas une question que de taille ou de gens. Ça peut être juste des copains, comme ça peut être des gens plus inconnus les uns des autres. Et ça existe partout. Et à l'étranger, on a en Amérique latine, on a au Liban, on a en Espagne, on a beaucoup en Allemagne aussi, à Hambourg, à Berlin. Qui soutiennent Mélenchon. Qui soutiennent Mélenchon. Et qui soutiennent la France insoumise et qui font partie de cette France insoumise. C'est ça qui fait le programme, par exemple, l'Avenir en commun, notre programme de Jean-Luc Mélenchon, il a été fondé sur des centaines et des centaines de contributions de citoyens sur Internet qui ont envoyé, voilà, nous on pense ça et on a regroupé et on voit bien que ce... Nous on pense ça, attends, est-ce que tu vas vite, hein, t'as dit, donc c'est des citoyens qui ont écrit via Internet comment ils pensaient un peu le monde, on va dire, c'est ça, et puis ils le font partager... à la direction, on va dire ça comme ça, en tout cas au pouvoir de Mélenchon, c'est ça. Il y a une connexion entre la prise... Il y a une équipe de campagne, c'est sûr, qui est en capacité de voir remonter ces centaines et ces centaines de contributions et de voir les éléments qui se dégagent. Par exemple, le droit à mourir dans la dignité, droit qui existe ici en Belgique. En France, on s'est rendu compte que dans les Insoumis, les gens qui ont contribué, c'était quelque chose de très important. Ou par exemple, la lutte contre le CETA, l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Canada, on s'est rendu compte que voilà, ça faisait même partie du top 5 des premières priorités d'abolir cet accord pour les gens de la France insoumise. Donc tout ça a généré plus de 348, je crois, mesures de la France insoumise par cette contribution citoyenne. Oui, parfois les citoyens rejoignent les groupes d'appui pour une mesure, la 6e République par exemple, sans adhérer à tout le programme. Il faut dire aussi sur les 200, je ne sais pas, je pense qu'il y a... Sur les 200, il faut, pour que 200, les gens ne se perdent pas, donc sur les 200 personnes ici à Bruxelles, c'est ça, hein, qui font partie de ce groupe, de votre groupe quoi. Ouais. Je ne pense pas qu'il y ait plus de 5 ou 6 personnes encartées, personnes qui soient militantes et qui l'aient fait avant. C'est-à-dire ce sont des gens comme nous, citoyens, trois, on me dit trois dans l'oreillette. voilà, donc on est tous venus, Florian est venu en décembre, moi aussi. On se connaissait pas, je connaissais personne du groupe, on s'est juste pointé et puis le groupe nous a plu. Et voilà, chacun y adhère pour ses propres opinions et grappille des mesures et au fur et à mesure se crée sa propre opinion du mouvement. Et quand tu dis que chacun vient et adhère avec ses propres opinions, il y a quand même quelque chose qui vous rassemble. Hein ? Voilà, oui, mais ça peut être une mesure. Oui, ça peut être une mesure, mais dans cette histoire, il y a quand même quelque chose qui vous rassemble. Une mesure suffit. La 6e République, il y a des gens qui s'intéressent au mouvement juste simplement pour la 6e République. Est-ce que tu peux un peu expliquer sans... Parce que sinon, ça va prendre toute l'heure, hein, tu comprends bien. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, la 6e République ? La 6e République, il y a plusieurs candidats aux élections présidentielles qui le proposent, mais avec Jean-Luc, la 6e République, c'est une constituante... lancé dans les mois qui suivent l'arrivée au pouvoir de Jean-Luc Mélenchon. Et cette constituante permettra, sous un ou deux ans, de renouveler. Alors, ce sera une constituante avec des gens élus et des personnes élues, on ne sait pas encore la proportion, et des personnes tirées au sort. Et des personnes. Ça va, vous suivez aussi les gens ? Tirés au sort, donc certains aimeraient 50%, certains, il y aura peut-être moins sans doute, et des élus locaux. Pas des députés actuels de la 5e République. Voilà. Donc cette 6e République va amener un renouveau, une appropriation de la chose publique par la masse, par la base. C'est-à-dire qu'en 1958, il y a eu une constitution qui a été faite par trois personnes ou deux personnes, amenée en référendum avec De Gaulle. Aujourd'hui, ce que j'aimerais voir, c'est une France qui se réapproprie la politique. La base, que tout le monde en parle pendant un an, deux ans, qu'il y a un débat en France, et qu'au bout de deux ans, au bout d'un an et demi, il y ait une nouvelle constitution, plus proche de notre réalité actuelle, et ça permettra aussi à Jean-Luc de laisser le pouvoir, puisque une fois que la constitution a été acceptée par la population, après un référendum, Jean-Luc Mélenchon dit « je quitte le pouvoir ». Il peut revenir, mais il laisse la place à la 6e République. Et ça peut amener des gens, beaucoup de gens, à se dire c'est une bonne idée, sans adhérer à tout le programme de Jean-Luc Mélenchon. Pas pour dire la même chose, mais juste une des mesures techniques, une des mesures précises qui me plaît particulièrement dans cette idée de changer fondamentalement les règles de la République française, de changer et de passer à la 6e, c'est celle du droit de révoquer les élus. Je crois qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui va foncièrement pas dans la République française. On le voit avec toutes les affaires Fillon, mais aussi même Macron avec les affaires de conflits d'intérêts, etc. Je pense que quand quelqu'un est élu sur la base d'un programme et qui fait strictement l'inverse, il faudrait avoir les moyens de le révoquer. Sinon, on demande aux Français de s'intéresser à la vie politique une fois tous les 5 ans lors d'élections, et puis après, le reste du temps, ciao, le mec, il fait ce qu'il veut. Donc, il faut avoir ce droit de révoquer un élu. Ça peut être se faire assez simplement en demandant... en prenant une initiative de pétition, par exemple, en rassemblant un certain nombre de signatures pour déclencher le référendum révocatoire, avec des garde-fous. Ça existe dans pas mal de pays dans le reste du monde, hein, ça se fait, c'est pas complètement hallucinant, ni même il n'y aura pas d'abus avec quand les seuils sont bien fixés de participation et de quorum, etc. Bah oui, c'est la base quand même, si quelqu'un est au pouvoir et qu'il... et qu'il fait des choses qui sont contre le peuple, on va dire, contre les gens, c'est normal qu'il doit dégager. Normalement, la base, c'est ça. Hein. Après, moi, je comprends pas comment ça se fait qu'on peut plus les dégager comme ça. Qu'est-ce qui fait que le système, avec le temps, fait que les gens se retrouvent à des sphères de pouvoir assez hautes et on peut plus y toucher, quoi. Voilà. Moi, je voulais dire une chose par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Donc, tu disais quand même, même si vous n'êtes pas toujours d'accord, vous battez pour la même chose. Et en fait... C'est vrai d'un certain point de vue. Donc évidemment, on a un programme, on a des tas de mesures qu'on soutient. Mais en même temps, on s'appelle quand même la France insoumise. Et donc nos détracteurs s'amusent des fois à dire « Ah, mais les insoumis, en fait, vous êtes soumis à Jean-Luc Mélenchon. » Mais en fait, nous, on n'a pas du tout cette impression-là. Parce qu'au contraire, on soutient un projet. Mais comme le projet lui-même donne la parole au peuple... on a le sentiment, et y compris dans l'organisation de la France Insoumise, que en fait, tout le monde peut contribuer et tout le monde peut participer. Donc en fait, ça veut dire que toutes nos réunions, et y compris nos réunions publiques, que la semaine dernière, on avait Lim Wang Nok, qui est un économiste qui venait à Bruxelles. Comment tu as dit ? Lim Wang Nok, c'est un des économistes de la France Insoumise qui est venu avec Sophie Roser développer les projets pour l'Europe de Jean-Luc Mélenchon. Et on voyait bien que la salle, les gens qui sont pourtant, pour la plupart, partie prenante pour Jean-Luc Mélenchon, questionne et remet en question le programme. Et même au sein de la France Insoumise, il y a des débats qui sont essentiels à la construction d'un projet réaliste. Et donc ça, on le voit, il y a aussi moyen, par des tas de biais, pour les gens qui sont avec nous, qui, comme disait Jérémy, qui des fois s'intéressent à une chose en particulier, de participer. Donc ils ont eu l'occasion de le faire au moment de la rédaction du programme, comme le disait Sophie, en mettant juste leurs idées sur un thème précis sur Internet. Moi, par exemple, je fais de la recherche, j'ai mis tout ce que je pensais être bon pour améliorer le milieu de la recherche, et qui peuvent encore aujourd'hui contribuer. Il y a tous les livrets thématiques sont toujours accompagnés d'une adresse mail où les gens peuvent continuer de donner leurs idées, leurs points de vue, parce que des fois c'est lié aussi à des événements d'actualité qui apparaissent au cours de la campagne. Par exemple, en ce moment en Guyane, j'ai un insoumis qui m'a dit: écoute, moi j'ai des choses à proposer pour l'outre-mer, pour la Guyane. Donc on l'a mis en contact avec l'équipe du livret outre-mer, et ça c'est quand même très très important que les gens qui sont avec nous, même s'ils sont pas des vieux de la vieille de la politique, aient le sentiment qu'ils peuvent toujours un peu avoir la parole et que leur parole soit prise en compte, quoi. Oui, c'est génial ce que tu dis. Maintenant, comment est-ce que tu vois que... Parce qu'à partir de... Il n'y a pas de souci, on entend super bien la conversation. Il n'y a pas de souci. C'est parce que je vois Sophie qui va... Non. Ce que je trouve génial, oui, donc si je comprends bien, donc le mouvement des insoumis, voilà, on est ensemble, on peut réfléchir au programme, on peut le modifier. Oui. On peut modifier ce programme ? Bah, maintenant, contrairement aux autres candidats qui passent leur temps à raturer les lignes de leur programme en fonction du sens du vent, nous, on est quand même fort sur le fait qu'on a un programme qui est construit collectivement, et on ne va pas revenir dessus au cours de la campagne. Il a été fait collectivement. Donc après, on respecte aussi le choix démocratique. Il a vraiment été fait collectivement. Ah, oui. Ça veut dire que peut-être à la différence, et pour que je comprenne bien aussi, hein, c'est-à-dire qu'il y a des... Les autres, j'arrive pas à trouver les termes, quoi. Donc il y a Mélenchon, il est quoi, lui, pour le moment ? Politiquement, vous voulez dire ? C'est un candidat à l'élection présidentielle. Il y a d'autres candidats à la présidentielle, et peut-être eux, à la différence du programme de Mélenchon, c'est qu'il part des gens. Donc ça intéresse ce que pensent les gens pour pouvoir adapter un programme, tandis que peut-être les autres candidats ne vont peut-être pas à la racine, ne vont peut-être pas au contact de ces gens. C'est ça un peu la différence, ou bien je me trompe ? Oui, non, c'est exactement ça. Donc en fait, c'est ce qui fait aussi toute la différence avec la campagne de 2012, c'est qu'en 2012, 2012, le Front de Gauche était un cartel de partis, donc les dirigeants de partis se sont retrouvés autour d'une table pour écrire un programme, mais du coup c'était quelque chose décidé par le haut du parti, pas par la base. Et cette fois-ci, là, bien sûr, il y a des éléments que vous trouviez en 2012 que vous retrouvez dans le programme aujourd'hui, mais qui a été agrémenté de manière extrêmement riche par toute la base de, militante, ou même les, enfin, par les insoumis, ou même des gens qui se sont juste inscrits sur Internet, qui ont juste déposé leur contribution. On ne sait même pas qui c'est, ces gens-là, après coup. Et ça, Benoît Hamon, Emmanuel Macron tentent de le faire de façon un peu désespérée. Une semaine avant l'élection, on commence à dire, par exemple, aux Français de l'étranger, « donnez-nous vos idées », comme ça, il peut rédiger sur un coin de table, juste avant l'élection, un programme pour les Français de l'étranger. Oui, mais oui, nous, on a eu une démarche qui est bien plus en amont. Ça, c'est les contributions sur Internet datent déjà du printemps dernier. Donc déjà, ça, c'était une construction collective. Ensuite, ça a été validé de manière démocratique. Donc pareil sur Internet, vote chapitre par chapitre, les gens ont pu voter. Puis à la Convention de Lille, qui a été une sorte de gros congrès de la France insoumise pour encore fignoler les priorités du programme. Donc c'était un long processus. Donc c'est pour ça que maintenant, notre programme, il est solide. Et il est collectif et il est solide. Oui, je voulais revenir. Les deux partis de gauche et de droite, donc Parti Socialiste et Les Républicains, se sont organisés avec une primaire pour désigner leur candidat. Et ça, c'est un jeu qui a eu des effets. C'est-à-dire que, par exemple, François Fillon, face aux 4 ou 5 autres candidats du même parti, a adopté une posture, on va dire, très à droite. Il a viré Sarkozy, ses concurrents et Juppé. Mais ensuite, dès le lendemain, étant donné qu'il devait porter la parole de l'ensemble de la droite, il s'est mis à changer certaines de ses propositions. Même chose pour Benoît Hamon. Benoît Hamon, qui a été frondeur pendant 5 ans, donc s'est démarqué avec des propositions, on va dire, plutôt à gauche par rapport au Parti Socialiste. Il l'a emporté face à Valls, mais dès le lendemain, il était censé rééquilibrer son programme. Donc on voit bien que... Et puis Macron, lui, se faufile entre la gauche et la droite. On voit bien que... Mais on voit bien que chacun, comme le disait Lucien, que chacun réaménage des morceaux de son programme comme on fait avec un produit marketing, en essayant de trouver une cible et en adaptant le produit à la clientèle qu'on présuppose ou pas. Et donc ça, c'est pas très sérieux. Et par rapport à ça, on voit bien que Mélenchon, qui d'une certaine façon s'est déjà préparé depuis 5 ans, puisque avoir déjà travaillé une campagne électorale... Mais ça se sent dans le programme, on sent que c'est du solide. Le gars, il a réfléchi, même sans connaître Mélenchon et toute sa politique, ça se sent que quand il parle, il y a déjà des idées qui sont là bien claires, quoi, voilà. Oui, moi c'est ce que me disent mes amis qui sont pas aussi impliqués que moi, pas aussi connaissent pas aussi bien le processus dont on a parlé, mais c'est frappant. Et ça commence à être payant, puisque au milieu justement de ces gesticulations et de ces changements de point de vue des autres, le fait qu'il garde sa route et que sa route soit cohérente, c'est-à-dire qu'il articule, on a déjà parlé d'aspects démocratiques, la 6e République, on n'a pas encore parlé de l'urgence sociale, on n'a pas encore parlé de l'urgence écologique, mais tout ça est articulé et de manière extrêmement profonde. Quand il parle de droits de douane aux frontières de l'Europe, c'est en articulation avec une vision écologique, une vision humaniste, etc. Et ça, les gens qui découvrent petit à petit, puisque là, ils commencent à avoir un accès aux médias plus important à mesure qu'on approche de l'élection, les gens s'aperçoivent de la cohérence et de tout le travail qui a été fait. Oui, juste pour rajouter un petit mot sur ce que vient de dire Florian. Il parlait du PS et puis des Républicains. Il y a Le Pen avec Philippot, qui a 2 jours, avant-hier, commence à mettre de l'eau dans son vin et commence à dire bah écoutez, l'Europe, on en sortirait peut-être après les élections de septembre allemandes, et puis en fait non, peut-être les élections de mai l'année prochaine, en 2018, peut-être ça dans 3 ans qu'on sortira de l'Europe avec Le Pen. C'est très intéressant de voir comment elle aussi, comme aurait dû faire ou était censé faire Hamon ou ce qu'a fait Fillon, c'est de dire ah bah tiens dis donc, maintenant j'élargis mon spectre électoral et je touche à des gens qui, c'est plus mon cœur de cible, mais je touche à des gens un peu plus larges et commence à changer des choses radicalement différentes. Elle est la première à dire je sors de l'Europe. Il y a 2 jours, on est à deux semaines de l'élection. Il y a deux jours, Philippot, son bras droit, lui dit officiellement « On va sans doute attendre les élections italiennes, les élections parlementaires italiennes en mai 2018. Voilà, » c'est vraiment c'est flagrant. On n'a pas bougé, on ne bouge pas. Le programme est fixe depuis octobre. J'espère que vous allez bouger quand même. Hein. Pas sur cette, forcément. Oui, non, mais j'espère que vous allez bouger. Non, mais ça se modifie des fois, ça s'adapte, c'est ça qui est intéressant aussi. Mais dites-moi, ce qui vous rassemble, parce que vous n'êtes vraiment pas vieux, quoi. Hein. On dit que les jeunes s'en foutent de la politique, on dit que... Et en même temps, je comprends, moi. Hein. C'est-à-dire que la politique, waouh, c'est vraiment ringard, là, avec leur coup fourré. En plus, avec l'affaire Fillon, là, ça donne encore plus l'envie de se détourner, évidemment, de tout ça. Qu'est-ce que vous en pensez de ce que je viens de dire, hein. Donc on s'échappe un petit peu du programme de Mélenchon, machin, bazar, mais de cette jeunesse qui a envie de s'engager. Est-ce que vous êtes vraiment les 200 ici à Bruxelles? C'est beaucoup de jeunes, c'est beaucoup, enfin voilà. À Bruxelles comme ailleurs dans la campagne de la France insoumise, c'est beaucoup de jeunes. Par exemple, je l'ai rencontré l'autre jour ceux de l'équipe de communication. En gros, il y a trois volets différents et donc trois personnes différentes dans l'équipe de com. Et c'est 18, 24 et 26, quoi, en gros. Oh, mais c'est mignon. C'est mignon, hein. Et pourtant, regardez ce que ça produit en termes de com. Sur les réseaux sociaux, c'est assez incroyable. Enfin, c'est des gens qui sont solides. Hein. Donc, il y a une jeunesse, je crois, aujourd'hui, qui n'est pas désintéressée de la politique, qui est désintéressée des politiques, des hommes politiques et des femmes politiques. Voilà, qui est désintéressée de ces gens qui leur mentent à longueur de temps, quoi. Donc, et d'ailleurs, ça se voit dans les abstentionnistes. Les abstentionnistes sont massivement des jeunes. Donc, leur redonner le goût de l'envie de faire de la politique, oui, c'est pour ça qu'il y a plein de jeunes dans la France insoumise. Et d'ailleurs, j'ai vu l'autre jour dans un chiffre, dans une étude, je crois que c'est Cevipof ou je sais plus, que... Cevipof. Peu importe. Oui, mais c'est une cite, quoi. Donc, qu'est-ce que tu racontes ? Je suis pas sûre. Dans une étude, comme mieux sondage, pas le dire, alors. Comme un sondage, un peu comme un sondage plus élaboré, qu'il y avait, contrairement. Oui, il y avait beaucoup plus de Français par rapport à 2012 qui étaient à ce stade indécis quant à leur vote, quant au fait de voter, même. Ou plus que, pas seulement de pour qui voter, mais vraiment sur le fait d'aller voter. Mais par contre, il y avait 10 points de plus par rapport à 2012 d'intérêt pour cette campagne. Les Français et les jeunes sont intéressés. C'est juste qu'ils sont dégoûtés des politiques, pas de la politique. Donc nous, c'est ce qu'on essaye de travailler, quoi. Le retour est de ce point de vue-là. Force est de constater que Jean-Luc Mélenchon est honnête, intègre. Il a sorti un livre là, qui s'appelle « De la vertu » sur le rôle, voilà, de la vertu, d'être droit, de dire je triche pas, je prends pas dans les caisses publiques, on n'a aucune affaire. J'espère vraiment que c'est vrai, hein. Vous aussi, j'espère. Parce que c'est toujours ça, un programme, c'est facile de l'écrire. Hein. Je crois pas, c'est les forces, enfin c'est vrai, quoi. On a été les premiers à faire, à donner publiquement le patrimoine, faire la déclaration de patrimoine, faire acte de transparence là-dessus. On a été les premiers à le faire. Donc du coup, oui, on fait transparence, voilà. Les Français savent quelle est la petite maison de campagne que Jean-Luc Mélenchon a. On triche pas. Donc je pense que ça, c'est ce qui participe du fait qu'on réintéresse les jeunes à la politique. Et toi, Sophie, c'est ça, hein ? Oui, moi j'ai 29 ans. Comment ça se fait que tu t'intéresses à la politique ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis tombée dans la marmite quand j'étais petite parce qu'autour de la table, mon père et ma mère parlaient tout le temps politique. On écoutait les nouvelles à la radio ou à la télé et mes parents passaient leur temps à commenter, quitte à s'engueuler même, hein, largement, à s'engueuler sur tout, quoi. Surtout la géopolitique internationale. Après, c'est vrai que moi, c'était plutôt le côté international qui m'a plu au départ. Oui, et puis ma mère est syndicaliste et mon père était un peu un télo de gauche. Alors okay, du coup, ça va, c'est bon. C'était le terrain et l'intello, quoi. D'accord. Oui. Donc voilà, sur cette idée aussi de la jeunesse et puis après de ramener à toi, tiens, comment ça se fait que tu fais de la politique ? En tout cas, tu t'intéresses à ça. Alors moi, j'ai pas l'air parce que je perds mes cheveux, mais j'ai 28 ans, donc je suis encore plus jeune que Sophie. Et en fait, je voulais dire que on a constaté quand même ce rajeunissement de du militantisme, ne serait-ce qu'à Bruxelles, quand on a créé le groupe d'appui. Parce que je crois que c'est Sophie ou Jérémy qui le disait, on l'a commencé à quelques-uns, Donc au départ, moi je suis comme Sophie, je suis tombé dans la marmite quand j'étais petit. Des parents investis en politique, pas forcément militants, mais on parlait beaucoup politique à la maison. Et donc on a commencé à quelques-uns, et en fait, on a, au fur et à mesure, on a vu que le groupe changeait complètement de visage, quoi. C'est-à-dire qu'on a démarré avec que des gens qui s'intéressaient vraiment à la politique et qui avaient une expérience militante, et finalement, on se retrouve à être une toute petite minorité maintenant de gens qui ont cette expérience-là. Et du coup, ça fait changer aussi la manière de pratiquer la politique, parce que ça introduit de l'originalité des uns et des autres qui ont des idées des fois farfelues, mais souvent pleines d'enthousiasme, qui se voient et qui rayonnent une fois qu'on est plusieurs, quoi. Donc, quand tu nous as rencontrés au Parvis de Saint-Gilles, bon voilà, c'est toujours avec les moyens du bord, mais malgré tout, le fait qu'on soit coloré, qu'on ait des banderoles, qu'on ait des choses qu'on accroche aux arbres, qu'on rit, ne serait-ce le fait qu'on rit les uns avec les autres, souvent ça, je pense que ça se voit et que ça touche les gens qui nous rencontrent, qui sont un peu étonnés, pour ceux qui ont peut-être un a priori sur ce que c'est que la politique de gauche, qui imaginent des vieux militants bornés, peut-être un peu sectaires. Là, ce sont des jeunes militants, voilà, bornés. Ça peut être des jeunes bornés, ça arrive, mais quand même de voir qu'il y a une certaine ouverture qui fait plaisir à voir, je pense. Ouais. Je pense que, bon, d'abord, ça a été dit, mais l'abstention ne veut pas dire le désintérêt du tout. Je pense que, comme l'a dit Sophie, c'est vrai que quand il y a pas mal de gens, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes d'ailleurs, qui arrêtaient de voter parce qu'ils voyaient bien que les politiques ne tenaient plus leurs promesses, etc. Mais il y a un grand intérêt. Les gens voient bien qu'il y a une dépossession, que les politiques ont perdu du pouvoir de deux façons. D'abord parce qu'il y a une partie du pouvoir qui est partie à l'Europe, et puis une autre partie qui est partie dans les multinationales, etc., avec des pans en France de l'économie qui ont été privatisés depuis une vingtaine d'années. Bon, ça, c'est des choix politiques, hein, on est d'accord. Oui, oui, oui. Parce que souvent on parle la politique, elle n'a pas le choix. Attends, la politique, elle n'a pas le choix, c'est l'économie maintenant qui prime. Mais si tu effaces le tableau, tu fais quand même, c'est des choix à un moment donné qu'on a fait, que la politique a fait au nom de l'économie. Oui, c'est pas ce que je veux dire, bien sûr, je souscris complètement à ça. Mais donc on a un rendez-vous tous les 5 ans électoral majeur avec les présidentielles et les législatives derrière, et c'est l'occasion quand même de faire un point sur l'état de la société française. Et donc, depuis 5 ans ou depuis 10 ans, il y a quand même beaucoup de choses qui se dégradent. L'Europe est en crise majeure, les problèmes environnementaux peuvent plus être contestés par grand monde, à part Trump et quelques illuminés. En France, en 5 ans, on a eu quelque chose comme 1,5 million de chômeurs en plus. Donc, que ce soit les jeunes ou à l'autre bout de la chaîne, les gens qui approchent de la retraite, les problèmes de logement, les problèmes d'emploi. Les gens voient bien que les services publics ont été écornés partout. On met des mois et des mois avant un rendez-vous chez le médecin, à l'hôpital. Bon, voilà, donc les gens voient bien quand même qu'il y a un impact des politiques sur tout ça, sur ce qui les concerne directement. Donc après, il reste toujours beaucoup de personnes qui considèrent qui militent par procuration, c'est-à-dire qui soutiennent, qui trouvent que c'est bien ce que fait Mélenchon ou c'est bien ce qu'on fait nous, mais qui, eux, ne font rien. Mais voilà, c'est comme ça, ça a toujours été. Puis je pense que l'implication dans la campagne de la France insoumise et de Jean-Luc Mélenchon, ça a aussi à voir avec ce qu'on disait plus tôt, c'est-à-dire sur l'horizontalité. C'est très dans l'air du temps aussi de ne plus avoir trop des structures complètement verticales avec un secrétaire général, un bureau, je ne sais quoi, des réunions hebdomadaires, quelque chose de très formel. Le fait une raison de l'ère du temps, parce que c'est pas simplement un effet de mode. Hein. L'ère du temps, tu veux dire que c'est un peu un effet de mode. Oui, je suis pas sociologue, mais c'est vrai que les réseaux sociaux... Il y a une raison, enfin moi je le vois comme ça, c'est qu'il y a une raison pourquoi on a envie que les choses se passent plus à l'horizontale qu'à la verticale. Il y a une raison, quoi. Tu comprends ? Oui, il y a plein de raisons, mais je veux dire... Parce que l'effet de mode, bon... Moi, voilà, j'ai pas dit que c'était un effet de mode. L'ère du temps. C'est devenu une habitude dans beaucoup de champs, professionnel ou personnel, de procéder de cette façon-là. Donc la campagne de Jean-Luc Mélenchon, telle qu'elle s'ancre avec nos groupes d'appui, elle répond vraiment à une envie de casser certains codes. Je pense que quand Florian parle d'air du temps, il fait aussi référence au fait que la démocratie en France, mais aussi en Europe, est de plus en plus pyramidale et que la construction européenne d'aujourd'hui est tellement basée par un contrôle par le haut d'une petite commission de dirigeants qui dictent ensuite les politiques nationales aux États de façon extrêmement... je ne sais pas comment décrire ça, mais de directive, enfin sur le fait de ne faites plus de dépenses, ne supprimez vos services sociaux, services publics, donne aussi le sentiment aux gens que cette verticalité s'accentue. Et donc je pense que quand Florian parle d'air du temps, il veut aussi dire que les gens en ce moment, alors on peut le décrire comme un effet de mode, mais je pense que c'est quand même quelque chose qui est aussi structurel, en ont marre de cette verticalité c'est ça, qui s'accentue. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Et c'est comment ton prénom ? Florian. Florian, toi c'est quoi ta motivation, la politique, tout ça ? Comment ça se fait que tu t'intéresses à ça ? Bah, un petit peu comme disait Sophie, moi chez moi, mes parents quand j'étais petit... Encore les parents, ça va, c'est bon. N'appartenait pas à un parti, mais on parlait beaucoup de les actualités sous un angle politique. Et puis moi, après, j'ai été militant syndical, mais j'ai jamais voulu mêler l'engagement politique et l'engagement syndical. Mais depuis quelques mois, ayant changé professionnellement, je me suis dit que je pouvais plus rester à l'écart de ce qui se passait, que les enjeux étaient trop trop graves en France et en Europe pour qu'à un moment donné, il fallait bien prendre sa part du travail à faire. Pour ajouter un petit mot sur ce que disait Florian et surtout Lucien, il parlait de verticalité. On peut aussi ajouter à cette verticalité, qui peut-être est trop importante ou s'est accentuée, on peut aussi parler de l'hyper-professionnalisation des membres politiques, des politiques. Et peut-être qu'on peut avoir de la verticalité, mais s'il y a un turnover, si ça tourne, si les gens reviennent à la vie civile, et qu'il y a des politiques, des gens du peuple qui remontent rapidement dans cette verticalité, et que ça tourne, que tout le monde ait son tour, ça peut être intéressant, ça peut être peut-être rapprocher la verticalité du peuple. On peut avoir une certaine verticalité si on peut facilement changer les gens qui y sont, en fait. Et je pense que il y a quelque chose de dual ici. Il y a cette verticalité qu'on veut plus horizontale, mais on peut aussi avoir quelque chose d'horizontal et avoir toujours les mêmes. Et donc c'est intéressant de voir quelque chose qui change avec le temps et pas 30 ou... Jean-Luc, il est là depuis 30 ou 40 ans. Bon, il a fait son petit bonhomme de chemin, il a fait un très bon parcours, mais il est là depuis 30 ou 40 ans. Ce serait intéressant de voir des gens qui viennent à la politique et en sortent rapidement. Voilà. Ça peut être peut-être quelque chose qui amène, je ne dis pas que tout le monde doit faire ça, mais je pense que tous les députés français, tous les sénateurs français, on les a vus, on les a revus, c'est voilà. Mais toi Jérémy, c'est en quelques mots, l'intérêt pour la politique, comment ça se fait que ça t'intéresse ? Je vais te décevoir, moi c'est mon papa, il s'est présenté au cantonal quand j'avais... Vous êtes tous en fait des enfants de parents... Mon père a rapidement quitté parce qu'il était très déçu du Parti Socialiste. À la maison, on a parlé très peu de politique. J'ai fait mon petit bonhomme de chemin, c'est au lycée, je me suis fait embrigader par des trotskistes, au départ. Donc j'ai voté longtemps en lutte ouvrière, j'allais à la fête de l'UMA. Mais c'était, je votais, j'étais très à gauche. C'était juste... Mais j'ai pas énormément milité et je pense que autour de la table, tous ceux qui sont là ont sans doute plus réfléchi à la politique que moi. C'est tout nouveau pour moi en fait. Donc en gros, parce que je te coupe Sophie parce que tu avais levé le doigt, mais en gros vous suivez tous le chemin familial quoi. En gros, vous n'êtes pas très originaux quoi. Non mais justement, ce qui est frappant, nous on n'en avait pas discuté avant, hein, donc je savais pas qu'on avait tous un peu le même parcours familial finalement. Mais en fait, c'est assez, moi pour travailler dans un univers international. C'est assez français, en fait, ça. C'est vraiment... à la maison, on discute, pas forcément politique. On commente l'actualité. Et pour être allé dans plein de pays, vu que c'était un peu mon monde professionnel, je peux vous dire qu'il y a énormément d'autres pays dans le monde où c'est tabou. Enfin, on ne fait pas ça. On ne discute surtout pas quelque chose qui peut se rapprocher de la politique parce qu'on risque d'être en désaccord. Mais ça, c'est... Vraiment, et en plus je pense que je suis pas la seule où les parents s'engueulaient, c'est ça, en France on a le côté du conflit naît la conscience quoi, et il faut débattre politique, non mais c'est une phrase que j'aime beaucoup, parce que, et c'est très français, c'est vrai, il y a quelque chose, et pas forcément parce que les parents sont militants, ou parce que les parents sont syndicalistes, juste comme ça, juste les gens commentent l'actualité. Moi, j'ai pas envie de rentrer dans cette idée que c'est typiquement français, j'imagine. Non, moi, j'ai pas envie de rentrer là-dedans. J'imagine qu'en Amérique latine, tu sais, il y a là-bas aussi beaucoup de gens, ils s'intéressent, c'est même le peuple qui est là, qui s'intéresse à ce qui se fait. Non. En Afrique aussi, il paraît que les gens, ils sont très conscientisés. Mais chacun, on va s'écouter. En Afrique aussi, il paraît que les gens sont très à discuter du pouvoir et tatatitatata. Mais ce que je voulais aussi, moi, vous poser comme question, c'est, tiens, les gens de banlieue, la cité, etc., parce que là, ça fait comme si... quelque part, vous êtes aussi des... Non, mais par exemple, en France, je veux dire, ou même dans le programme politique, et puis est-ce que ça vous touche, vous, directement? Comme ça, là, directement, j'ai pas l'impression. Voilà. Est-ce que vous pourriez parler de la cité, des banlieues, des gens, justement, qui n'ont pas eu des parents comme professeurs, etc. Enfin, voilà. Comment vous voyez la chose? Pour sortir un peu du ghetto aussi. C'est pour ça que j'ai pas envie de rentrer dans l'idée de... Ouais, c'est typiquement français, tu vois. Sinon, ça fait... Enfin, voilà. Alors, moi, je suis vachement française, tu sais. Non, mais... Par rapport aux classes populaires, c'est ça dont tu parles. Moi, je les ai fréquentés dans ma jeunesse parce que mon lycée était un peu à la frontière entre une zone très très très populaire, des grandes barres HLM et une zone plus pavillonnaire. Et donc j'y étais confronté assez jeune. Et aujourd'hui, ce qu'on voit et ce qui est terrible, c'est que malheureusement, quand on va, et on l'a fait à Bruxelles plusieurs fois, d'aller aussi distribuer au marché des abattoirs, au marché de la gare du Midi, où la population est clairement plus populaire qu'à XL ou Saint-Gilles, c'est très très compliqué parce que beaucoup de gens se sont complètement désintéressés de la politique depuis très longtemps. Et donc, et c'est encore pire ici en Belgique parce qu'on n'est même pas sûr que les gens avec qui on discute sont inscrits sur les listes électorales. Bon, on fait la démarche de s'inscrire en Belgique, par exemple. Donc la tâche est très très difficile. Donc surtout qu'on a un discours qui est, faut le dire, assez intellectuel. C'est quoi votre... j'avoue aussi, vous voyez, ma question, c'est vraiment, c'est comment vous faites le lien entre le mouvement Mélenchon, par exemple, qui défend certaines idées? Est-ce que cette notion de gens populaires, mais de gens qui sont beaucoup plus fragiles, qui n'ont pas forcément reçu les acquis, qui ne viennent pas d'un milieu aisé, ou en tout cas de connaissances et de savoirs, comment vous faites avec ces gens-là? Est-ce que c'est un sujet qui vous intéresse? Est-ce que vous penchez dessus? Oui, on s'y penche, et notre programme a une large partie qui est consacrée aux solutions pour se battre contre la misère, pour redonner de l'emploi aux gens, pour donner des aides sociales à ceux qui sont en difficulté. Ça, je pense qu'on personne ne peut nous faire le reproche de ne pas nous intéresser aux classes populaires. D'ailleurs, il y a aussi une initiative, mais qui se passe en France, qu'on n'a pas pu faire encore en Belgique, qui est la caravane de la France insoumise, qui se déplace et qui va organiser des points de présence. Qui va dans le futur ou c'est en cours? Elle le fait, mais c'est en permanence. Donc, je veux dire, qui se déplace, qui pose des points de, enfin, qui va de cité en cité et qui aussi discute avec les gens sur est-ce que vous savez ou est-ce que vous allez voter, est-ce que vous avez, même aider les gens aussi dans leur situation. De la vie difficile par rapport à l'administration, qui ne savent pas toujours comment s'y prendre, sur des tas de choses, pas que par rapport aux élections. Donc on essaye d'aller au contact de cette France-là qui finalement maintenant se tait de plus en plus dans les urnes. Alors on aime souvent à la donner à Marine Le Pen dans les médias, on dit les ouvriers votent en majorité Marine Le Pen, mais la réalité c'est que cette classe-là ne vote quasiment plus. Et ça, c'est un désastre, parce que ces gens-là ne donnent plus leur avis sur est-ce qu'on doit s'occuper d'eux ou pas. Donc, comment tu sais que les ouvriers ne votent plus? Pourquoi tu dis ça? C'est des chiffres, l'abstention. L'abstention est énorme dans les milieux populaires. C'est par rapport à des chiffres, quoi. Tu lâches pas ça comme ça. Non. C'est facile à savoir. Oui, c'est... Il y a quand même une difficulté pour nous, groupe d'appui à Bruxelles. Ce que dit Lucien, c'est effectivement tout ce qui se passe en France, et c'est le programme, ça relate vraiment tout ce qui est fait au niveau en France. Et on a quand même un souci, nous, à Bruxelles, c'est d'identifier où se trouvent les Français. On ne peut pas s'adresser à tous les Bruxellois, on doit s'adresser principalement aux Français. Et c'est difficile de... Mais pas forcément, vous disiez au début. On est une petite équipe, on va pas aller prêcher dans... Bien sûr, il y a des Belges avec nous. mais on cherche quand même, nous, à toucher les Français pour les élections présidentielles. Donc on cherche des gens qui vont voter quand même. Mais de toute façon, essayer de comprendre, c'est plus vaste et on peut dire, c'est pas très élaboré, on n'y a pas trop réfléchi, il n'y a rien de concret. Je parle aussi du programme de Mélenchon, hein, de... Est-ce qu'il y a une partie où on a réfléchi à tout ça, aux banlieues, au sortir de Paris, quoi, de la ville, de toujours là concentré. Je veux dire, la France, elle est énorme. Hein, je veux dire, voilà. Plusieurs morceaux de réponse. Jean-Luc Mélenchon, quand il fait un meeting, par exemple, quand il se rend dans une ville de province, dans la journée, il va visiter une coopérative agricole, il va visiter un hôpital, il va visiter une entreprise. Une usine, etc. Donc il et puis autour de lui son équipe connaissent les réalités en dehors du périphérique parisien. Donc ça c'est clair. Donc tu parles comme si tu avais mangé avec lui hier, là, t'es marrant. Avec lui hier et ses collègues. Mais c'est une ligne politique de gauche. Enfin, le programme globalement, il est fait pour améliorer la vie des classes populaires. Il n'est pas fait pour servir les grands patrons. Donc, c'est évident qu'en amont, l'analyse des catégories déclassées, l'analyse de la structure de qui est au chômage, qui a des emplois précaires, qui a des emplois avec des salaires bas, c'est évident que cette analyse-là, elle est sous-jacente à tout programme de Jean-Luc Mélenchon. Ensuite, c'est vrai que c'est pas facile de parler parce que il y a le jeu médiatique, il y a le filtre médiatique entre le discours et des millions de Français. C'est pas facile en quelques secondes ou en quelques minutes d'expliquer toute la cohérence du programme, d'expliquer toute la complexité. Donc, par exemple, sur la question européenne, c'est beaucoup plus facile un discours populiste style extrême droite en disant il y a 5 millions de chômeurs, petit 1, il y a 5 millions de chômeurs, petit 2, il y a tant de centaines de milliers d'étrangers, donc petit 3, on va fermer les frontières et reconduire tous les méchants étrangers, etc. Ça, c'est plus basique. Ça, on peut le glisser en une phrase. Expliquer tout ce que Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise veulent faire quant à l'Europe, donc avec une négociation sur la base d'un rapport de force avec les partenaires pour réorienter l'Europe, pour garder l'Europe, mais une autre Europe, c'est beaucoup plus compliqué. Donc c'est vrai qu'on a du mal, à toucher les ouvriers, les classes les plus populaires. Mais sur le terrain, ce qu'on me dit, donc dans ce qu'évoquait Lucien juste avant, les caravanes qui font l'effort d'aller dans les banlieues et avoir un acte de présence et rencontrer la population, c'est que là où Jean-Luc Mélenchon marque des points, si je peux dire, c'est que sa sincérité apparaît clairement. Quand on écoute les uns à la suite des autres, les candidats, on est frappé par la langue de bois. Mardi, ça. Oui, mardi... Mardi 4 avril, à la télé. Mardi, il y avait les gros et les petits, donc les petits, évidemment... Sinon, on les voit pas. Hein. Ils ont une liberté de ton et une liberté plus grande, mais je parle des principaux candidats, c'est extrêmement frappant, ou bien ceux qui sont au pouvoir depuis 5 ans ou depuis 10 ans, c'est extrêmement frappant de voir la langue de bois permanente. Ils enchaînent un certain nombre de phrases creuses ou avec des lieux communs, etc., et... Jean-Luc Mélenchon, quand il parle de ce que c'est que d'être ouvrier, quand il parle de ce que c'est que d'être une femme qui travaille, qui n'a qu'un mi-temps comme caissière d'un supermarché, il a une façon d'aborder les problèmes où la sincérité apparaît évidente. Enfin, parfois même, c'est un regard. Au début, l'autre jour, je voyais le début d'un meeting, je crois, à Châteauroux. Il arrive dans la salle et il y a une forme de sincérité qui paraît évidente. Et je pense que ça, les gens s'en rendent compte, sans forcément connaître tout son programme par cœur. Oui, non, du coup, il a déjà tout dit. Ce côté impression est très important parce qu'on sait bien que le programme est d'avoir un programme très sophistiqué et élaboré, c'est bien. Et pour répondre aussi un peu plus sur les questions des jeunes des banlieues, c'est une catégorie un peu. Moi je pensais pas spécialement jeunes de banlieue, je pensais à la banlieue, quoi, en général, vous voyez. En tout cas, pas au centre de Paris, quoi, où c'est toujours un peu la même. Vision, il y a aussi d'autres gens, quoi, voilà, d'autres réalités, des gens plus qui vivent autrement, quoi, qui sont peut-être plus précaires, qui sont plus, vous voyez. Oui. Donc du coup, il y a l'aspect le monde rural. Je crois que vraiment la France très oubliée dans cette campagne, c'est aussi le monde rural. En banlieue, c'est un peu moins le cas parce que il y a un intérêt un peu plus important quand même pour la campagne, pour notre campagne, que dans la ruralité. parce que effectivement les questions d'emploi, les questions d'emploi dans notre programme sont assez importantes, tandis que les adresses spécifiques en dehors du monde agricole, les adresses spécifiques à la ruralité sont un peu moins évidentes. Alors qu'effectivement, c'est les coupes, l'austérité, les coupes budgétaires à la campagne, c'est le premier endroit où on les constate, parce que votre bureau de poste, votre bureau de la poste, au début, il était là 6 jours sur 7, puis maintenant, c'est qu'un après-midi, puis après, c'est que le mercredi après-midi, etc., etc. Donc les gens le voient vraiment très, très pratiquement, quoi. C'est visuel. Et il y a aussi un autre aspect par rapport, par rapport à la banlieue. Il y a le côté de ne pas vouloir communautariser les débats. Je crois que ça a été une erreur de la gauche des années fin 80, 90, d'avoir voulu systématiquement ramener les problèmes, entre guillemets, les problèmes de banlieue à une question communautaire, soi-disant d'intégration, etc. D'intégration, c'est ça que tu as dit ? Oui, soi-disant d'intégration, etc. Oui, oui, je crois que ça a été... Il y a une politique... Là, pour le coup, c'est plutôt une politique urbaine, c'est-à-dire d'avoir ghettoisé, sciemment, des populations, qu'elles soient d'ailleurs populaires, comme à Clichy, et qui, au fur et à mesure, les arrivants ou les deux, troisième génération se retrouvaient exactement dans ces banlieues ghettoisées, quoi. C'est une vraie politique volontaire, publique, qui a été orchestrée et qui est aujourd'hui, qui fait que c'est problématique et qui fait que ces mêmes personnes sont aussi celles qui sont le plus désintéressées des politiques. C'est prêt aussi, ça donne l'impression à exploser aussi de ce côté-là, hein, à un moment donné. Ben, justement, par rapport au caractère explosif des banlieues, le discours de Mélenchon est quand même un discours qui porte, dans le sens où les banlieues ont été complètement abandonnées, notamment par la police. Et donc c'est aussi notre force de marteler le fait que dans les politiques d'austérité qui ont été réalisées jusqu'à maintenant par François Hollande et par François Fillon, et Nicolas Sarkozy, c'est aussi des dizaines de milliers de postes de policiers qui ont été supprimés au passage. Et donc quand les gens vous disent, écoutent le discours médiatique et se disent « Ah oui, après tout, c'est vrai, on n'a plus d'argent, alors il faut arrêter de dépenser des sous pour des fonctionnaires. » En même temps, ces gens-là disent aussi « Ah mais oui, mais on aimerait bien être un peu plus en sécurité, être protégé du terrorisme. » Mais oui, mais pour être protégé du terrorisme et pour avoir stoppé la délinquance dans les banlieues, il faut investir des sous pour recréer des commissariats de proximité. Oui, là, tu parles de policiers, mais ça me fait un peu peur, mais moi, c'est surtout aussi d'éducation, de culture, de société. Enfin, tu vois, parce que dans ces milieux-là où l'emploi est complètement détruit, donc c'est la majeure c'est partie pas dans des ces gens. Milieux-là que l'emploi non, non, mais c'est là, où le chômage se concentre la plupart du temps. Et donc les jeunes qui naissent dans ces conditions-là, si en plus de ça vous avez des réseaux de trafic de drogue qui sont implantés dans les cités et qui contrôlent les cités parce que la police ne rentre plus. C'est quel avenir on donne à ces jeunes-là ? Enfin, je veux dire, quand on parle de cité, on parle évidemment de racailles, de drogue, mais il n'y a pas que ça. Il y a plein de gens super. Bien sûr. Bah, oui. Vraiment, enfin, tu vois, alors on met la lorgnette comme ça sur la police, sur pourquoi pas le djihadisme aussi, tu vois. Enfin, tu vois, on fait vraiment pour que ça fasse peur, mais c'est pas que ça, ces quartiers-là. C'est important de le dire. Oui, non, mais la police, c'est la police de proximité qui existait il y a une quinzaine d'années, qui a été supprimée. Donc maintenant, elle est surtout vue comme répressive. Mais c'est pas un mot tabou, même pour la gauche, la police. Moi, franchement, je préfère avant qu'il y ait la police, qu'il y ait plein d'autres choses magnifiques, de culture, d'éducation, d'échange avec les gens, plutôt que commencer à parler à la... Tu vois, il y a tout un travail à faire avant d'arriver à la police, quoi. Oui, bien sûr. Moi, je suis ancien enseignant, donc je sais évidemment. Mais Jean-Luc Mélenchon développe une proposition de réimplantation de tous les services publics. Mais quand tu dis Jean-Luc Mélenchon, c'est le peuple, c'est les gens, hein, parce que c'est marrant, quoi, Mélenchon. Moi, en fait, j'aime bien la culture de la discussion, de se prendre en main, d'apprendre à. Ça fait un peu comme si Mélenchon, vous le regardiez un peu... Mais j'ai bien senti que c'était pas que ça. Heureusement, vous aviez dit quand même que le programme, c'est avec les gens qui l'a fait. Mais ça fait un peu comme si Mélenchon, c'était le nouveau dieu, quoi. Il y avait ça... Essayez d'entendre, de retenir les questions, parce que ça fait comme si c'était un super dieu. Et vous n'avez pas peur non plus qu'on dise ça, qu'une fois au pouvoir, une fois qu'on a de prestige comme ça, Mélenchon, ben, qu'il devienne une mauvaise personne, quoi, parce qu'on dit que le pouvoir rend fou, quoi, quelque part. Bah, Mélenchon, il a des qualités d'orateur exceptionnelles. Mais c'est pas moi qui le dis. De tous les débats, les sondages post-débat, là, puisqu'il y en a eu plusieurs ces derniers temps, je ne sais pas quelle validité il faut accorder au sondage, mais tout le monde reconnaît qu'il est le plus convaincant, etc. Même ses adversaires politiques les plus acharnés reconnaissent que c'est un trimestre, etc. Mais ça, c'est un phénomène, tant mieux, parce que moi, je le vois comme un levier, en fait. Derrière lui, il y a un énorme programme. On en a parlé beaucoup tout à l'heure, il y a toute une équipe, équipe au sens équipe nationale, d'experts, d'économistes, etc. Après, il y a tous les groupes d'appui, on en a parlé aussi, ça c'est l'ancrage local. Mais donc, on a, oui, un champion oratoire au service de la cause, c'est comme ça que, donc tant mieux. Et dans le jeu médiatique actuel, si on peut avoir un excellent programme, si on a quelqu'un qui bafouille un peu, qui n'est pas très percutant, les idées ne passeront pas. Donc il est opportunément excellentissime, et on joue sur ça à fond, et on n'a pas peur. Donc oui... Et puis ensuite, c'est le jeu de la 5e République. Et tant qu'on n'est pas à la 6e, on est encore dans la 5e. Et donc, il y a un nom d'une personne qui va être le ou la présidente de la République. Donc, on est bien obligé de dire Mélenchon, Mélenchon, Mélenchon. Et puis, je pense que l'ensemble des personnes qui consacrent leur énergie au service de la campagne, ce que nous sommes, c'est lui qu'on veut porter au pouvoir avec derrière le programme. Donc, évidemment, on prononce son nom régulièrement, mais c'est... C'est votre star, quoi. Mais oui, mais non, c'est le porteur lui-même, lui-même sur son programme. Mais le porteur, c'est les gens. C'est contradictoire, parce que le porteur, qui c'est qui va le porter, c'est les gens, quand même. Non, pas du tout. C'est lui qui a accès aux médias et pas nous. Donc nous, on est derrière. Mais qui c'est qui va voter? Mais lui, il appelle les personnes à porter leur suffrage sur son nom. Sur les bulletins de vote, ce sera écrit Jean-Luc Mélenchon. Ce ne sera pas écrit toutes les personnes de gauche. Voilà. De toutes petites choses, la première, c'est qu'on est encore dans la 5e République, donc on est obligé d'élire un président, et ça, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Mm-hmm. Donc si on veut changer les règles et rendre les choses un peu moins monarchiques, il faut absolument qu'on élise Jean-Luc Mélenchon, c'est pour ça qu'on martèle son nom. Et la deuxième chose, c'est que si jamais Jean-Luc Mélenchon, que vous dites, une fois qu'il est au pouvoir, ça le grisera peut-être un peu et il ne fera pas ce qu'on attend de lui, je vais mieux vous dire que les 300 000, bientôt 400 000 insoumis qui sont derrière lui, si Jean-Luc Mélenchon ne fait pas ce qu'ils ont attendu bien, derrière, ça, bien, ils seront dans la rue et là, il sera tout seul. On dit souvent, il est tout seul, mais il n'est pas tout seul, il a des centaines de milliers de gens derrière lui, mais il n'a pas intérêt à déconner une fois qu'il sera au pouvoir, je pense. On est d'accord alors. Ouais, moi, je voulais juste dire une petite blague, mais parce que là, on dit Jean-Luc Mélenchon devant vous, mais en fait, des fois, on dit Jean-Luc, on dit Méluche. Voilà, il y a un côté aussi populaire, et effectivement, comme l'a dit Lucien, il peut pas invoquer un référendum révocatoire, et puis le jour où il est au pouvoir, nous, on sera derrière, quoi, c'est clair. Et sa parole, elle est portée aussi parce que nous, on est là et qu'on est actifs sur le terrain, quoi. Depuis deux mois, depuis que Benoît Hamon a remporté la primaire de la gauche, il y a un certain nombre de voix qui ont appelé à des rapprochements, à une union de sous telle ou telle forme. Et quand il s'est exprimé, Jean-Luc Mélenchon, il a dit, et là on rejoint ce que viennent de dire Lucien et Sophie, c'est qu'il sait qu'il est porté, mais il est porté parce qu'il est bien dans la ligne du programme. Ce qu'il défend, c'est le programme, rien que le programme. Et que s'il s'était allié comme ça, juste après un repas au restaurant avec Benoît Hamon, et en lâchant par ici une centrale nucléaire ou par là un aspect de la négociation avec l'Europe, comme vient de le dire Lucien, derrière lui, toute la base qu'il supporte de toutes ses forces se serait effondrée d'un seul coup. Et il serait passé de 11 ou 12% où il était il y a encore 2 ou 3 semaines, il serait passé à 6%. Voilà. Donc c'est parce que c'est un fidèle porte-parole de tout ce qui est derrière lui. Mélenchon, Mélenchon. Résistance. Non, non, j'ai rien à ajouter. T'as rien à rajouter à ça, à ta star Mélenchon, que tu dors la nuit, que tu rêves de lui. Ça c'est un truc de journaliste. Ça. Je ne suis pas journaliste raté, vieux. Toi, t'es à côté de la plaque. C'est un truc de personne influencée par les journalistes. Alors, parce que moi, effectivement, et on est tous là en train de le dire autour de la table, Jean-Luc Mélenchon, c'est pas une star. Et d'ailleurs, à tel point que, enfin, je veux dire, c'est pas une star, c'est quelqu'un qui prend le métro, qui se lève, qui se prend son petit déjeuner comme tout le monde, et qui est juste porte-parole, et qui est un bon porte-parole, et on n'a pas son petit déjeuner. On n'a pas à s'excuser d'avoir un bon porte-parole, quoi. Voilà. Moi, j'en ai un dans la famille qui connaît bien Mélenchon, et c'est mon petit garçon de 3 ans et demi qui me dit, c'est copain Mélenchon, mais voilà, lui il est vraiment copain avec Mélenchon. Lui, c'est son dieu, parce que papa, quand il part le soir faire des tractages, il demande où il est, papa, et papa, il est avec les copains à Mélenchon. En tout cas, je veux dire un mot, c'est juste que, parce que pour les gens qui nous écoutent, s'ils veulent nous rejoindre, on est aussi très actifs sur les réseaux sociaux, et c'est comme ça qu'on touche aussi beaucoup de jeunes, parce qu'on a des tas de gens qui passent nous voir sur Facebook. Alors des fois, des gens d'ailleurs de milieux qui sont complètement étrangers à ce qu'on attendrait, des gens des fois dans la précarité aussi, qui nous contactent juste parce qu'ils tapent sur Internet France Insoumise Bruxelles ou France Insoumise Belgique, et ils tombent sur moi inéluctablement parce que je suis connecté 80% du temps. Voilà, mais en tout cas, c'est pour dire qu'on est facilement trouvable pour ceux qui veulent voir les vrais insoumis, pas Jean-Luc Mélenchon, mais ceux qui se battent pour ses idées. j'aime bien. Et avant de se joindre à nous, si vous n'êtes pas sûr et vous ne savez pas à quoi on ressemble, on a un petit clip très sympathique, humoristique, où on voit nos petites bouilles. Voilà, et je vous invite à aller voir le blog de france-insoumise.be. Voilà. C'est vraiment sympa. Dernière, quelqu'un de dire quelque chose. Mais je ne suis pas journaliste, c'est raté. Tu vois, t'as failli me faire jouer ton rôle. La journaliste, là, qui vient, mais non, je ne le suis pas. Tac. Non, je... Qu'est-ce que t'as à dire, là? Dis, toi, le citoyen... Lucien et Jérémy, qui viennent de faire la pub, c'est pas facile de conclure. Moi, j'avais envie de conclure d'une manière beaucoup plus grave, alors je suis désolé. Je pense qu'il y a des formes de chaos, je dirais, avec Trump, le Brexit, etc., autour de nous. Il y a des milliers de réfugiés qui affluent, il y a des conflits et des instabilités un peu partout. Et on a une candidate à l'extrême droite qui propose une politique qui ferait exploser le niveau de tension entre les différentes personnes dans notre pays et donc sans doute autour. Et on a d'autres qui, se présentant comme raisonnables, continueraient les politiques actuelles qui mèneraient sans doute à un certain nombre de catastrophes. Et Jean-Luc Mélenchon me semble, à ce moment de notre histoire de la France et de l'Europe, le rempart décisif à une dislocation sociale en France, à un problème démocratique majeur avec une défiance incroyable des Français envers la politique et envers l'Europe. Et une urgence environnementale, parce qu'il y a eu la COP21 en France il y a un an et demi, il y a eu quelques belles conclusions, et puis en fait on est dans business as usual, c'est-à-dire qu'on va vers des catastrophes. Donc Jean-Luc Mélenchon, c'est extrêmement urgent que ce programme soit mis en place, et je le vois comme un rempart à de grands dangers qui sinon risquent de s'abattre sur nous. Merci. De finir sur cette note un peu dramatique. Oui, mais le projet est enthousiasmant, il est extrêmement enthousiasmant. Tout ça est décliné d'une manière positive. Et la France qui est dessinée dans ce programme, si on se projette dans 5 ans, c'est une France beaucoup plus, je ne vais pas utiliser des termes bisounours, mais avec beaucoup plus d'harmonie entre les classes sociales, avec beaucoup moins de personnes au chômage, avec un beaucoup plus grand respect de la nature, un plus grand accès aux services publics, donc meilleur accès à la santé, à l'éducation, à la culture, etc. Donc c'est très enthousiasmant. Croisons les doigts. Je suis aussi pour Mélenchon, je l'avoue. Pour votre star. Non, mais moi, j'aime pas l'icône, tu vois, croire en quelque chose. Non, moi, je crois que c'est nous, les gens, qui allons bouger les choses. Je crois à ça, moi. Mais c'est quand, en fait, le vote quand est-ce qu'on saura si c'est quel candidat? C'est quand la date? Dans deux semaines. T'as pas la date fatidique? Le 23 avril, c'est le soir du premier tour. Donc on saura s'il est sélectionné parmi les deux finalistes pour le second tour. Mais et puis après? Et après, c'est deux semaines plus tard, le 5 mai. Le 5 mai? Le 7 mai. Le 7, c'est rigolo, on est le 7 avril. Donc le 7 mai, dans un mois précisément. Nous saurons si Jean-Luc Mélenchon est président de la République ou non. Allez, on verra ça alors. Merci à vous en tout cas.